La femme du fumiste fit un signe à sa fille aînée, qui partit aussitôt. 10 minutes après, cette jeune personne revint, tenant par la main une fille de 15 ans et demi, d'une beauté toute italienne. « Mademoiselle Judici, tenez du sang paternel cette peau jaunâtre au jour, qui le soir, aux lumières, devient d'une blancheur éclatante, des yeux d'une grandeur, d'une forme, d'un éclat oriental, des cils fournis et recourbés, qui ressemblaient à de petites plumes noires, une chevelure d'ébène, et cette majesté native de la Lombardie, qui fait croire à l'étranger, quand il se promène le dimanche à Milan, que les filles des portiers sont autant de reines. Atala, prévenu par la fille du fumiste de la visite de cette grande dame, dont elle avait entendu parler, avait mis à la hâte une jolie robe de soie, des brodequins et un mantelet élégant. Un bonnet à rubans couleur cerise décuplait l'effet de la tête. Cette petite se tenait dans une pose de curiosité naïve en examinant du coin de l'œil la baronne, dont le tremblement nerveux l'étonnait beaucoup. La baronne poussa un profond soupir en voyant ce chef-d'œuvre féminin dans la boue de la prostitution et jura de la ramener à la vertu.